On va maintenant parler de, en fait, c'est la chronique technologie de l'information avec Raymond Poirier. Il est avec nous en studio. Salut Raymond. Salut Michael. Donc aujourd'hui, on parle de stationnement intelligent. Là, autant pour l'utilisateur que j'imagine ceux qui créent ou qui gèrent des stationnements. Et qui en cherchent, surtout. Oui. Et qui en cherchent. En fait, je rappelle une statistique qui nous vient de la France. En fait, c'est Proxima Mobile qui a fait vraiment une chouette compilation d'initiatives en lien avec ce constat-là. Donc en France, il y aurait 70 millions d'heures perdues à chaque année par des gens qui cherchent des stationnements dans les centres-villes. Mmh. On a analysé aussi que la circulation urbaine engendrée par les véhicules en recherche de stationnement... Qui tourne en rond, qu'on n'en trouve pas, puis ça prend 15 minutes, puis c'est pas le fun, eh bien, ça situera en moyenne entre 5 et 10 % de la circulation dans le centre-ville. Dans certaines villes, ça monte jusqu'à 30 %. Oh. Donc, c'est énorme. Un phénomène qui se correspondrait donc si on essaie de la quantifier monétairement, parce que c'est bien de donner de l'argent, une valeur monétaire à tout. Alors, ça coûterait à peu près 600 millions d'euros par année, ça, pour la France. Donc, évidemment, on peut faire des correspondances. On imagine que si ça coûte, mettons, 650 millions de dollars en France, ben, ça coûte peut-être quelques millions de dollars ici, au Québec aussi, et faire les parallèles un peu partout. Et si on essaie plutôt de donner une valeur environnementale à ça, eh ben, encore là, pour les statistiques françaises, ça représenterait à peu près 1,3 kg de CO2, en plus des nuisances sonores, de la propagation de particules fines, etc., etc. Bon, je pourrais dire, prenez les transports en commun, mais quand même, pour ceux qui veulent continuer à prendre l'automobile pour se rendre dans Saint-Jean-Baptiste, dans Saint-Roch, dans Limoilou, on pourrait améliorer le tout. On pourrait améliorer le tout, et cela grâce à de l'information en temps réel sur les places disponibles sur la voirie ou dans les stationnements. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Évidemment, on n'y pense pas spontanément aujourd'hui. Ça a été réfléchi depuis déjà quelques années. Il y a eu déjà une première génération de systèmes qui avaient été mis en place, qui, eux, reposaient surtout sur le déploiement de capteurs sans fil, principalement liés avec des applications mobiles. Mais il y a d'autres aussi initiatives qui ont été développées. Premier exemple, des capteurs au sol ou intégrés aux horodateurs qui permettent de déterminer si un emplacement est occupé ou non. Ça, j'imagine qu'on y vient tranquillement vers Québec, dans la mesure où on peut payer à distance notre stationnement avec une petite application. Mm-hmm. On peut électroniquement donc payer notre parcomètre plutôt que de mettre du change dedans. Ou si on met du change, ben ça reste électronique. Donc éventuellement, ben on peut imaginer que, et je pense que c'est déjà un peu le cas, ben qu'on pourra nous aiguiller vers des lieux où il y a des places qui sont disponibles avec des parcomètres. Donc, il y a une notion qu'on peut utiliser de cette façon-là. Évidemment, on peut aussi mettre des caméras, des capteurs au sol pour savoir est-ce qu'il y a une auto de stationner, oui ou non. Bon, pour le Québec, peut-être un peu moins parce qu'il y a une notion qui s'appelle l'hiver qui rend les choses peut-être un peu plus complexes au niveau des caméras au sol. Mais donc, l'idée, c'est de permettre aux gens de localiser la place de stationnement la plus proche. Et dans ce domaine-là, ben à San Francisco, à Los Angeles, ben c'est des villes qui ont été pionnières dans ces domaines-là. À San Francisco, on parle d'une solution qui a été déployée sur 7000 horodateurs, 15 millions de dollars de financement là-dessus. Et on a ouvert une interface de programmation qui permet aux développeurs de récupérer gratuitement toutes les données. Donc, essentiellement, ce que la ville a fait, c'est qu'elle s'est dit, on va mettre les données disponibles, faites quelque chose avec ça. Il y a sûrement quelque chose à faire. On n'a pas l'expertise pour faire la solution. On n'a pas l'expertise pour faire l'appel d'offres pour avoir la solution. Donc, on le rend disponible et vous pourrez la vendre, cette application-là, ou sinon la développer en partenariat. À Los Angeles, eh ben, on parle de 6000 places de stationnement également qui a été donnée par une société qui s'appelle Streetline. Et elle partage les données des capteurs avec la ville. Et même, en fait, évidemment, ben, quand il y a une voiture qui dépasse un délai de 120 minutes, ben là, il y a une petite alarme qui arrive dans le téléphone d'un agent. Donc, il y a aussi une notion d'efficacité dans la surveillance des rues. Alors, donc, évidemment, la centralisation des données par capteur permet d'envisager une tarification dynamique du stationnement aussi, dans la mesure où on pourrait s'imaginer que s'il y a beaucoup de demandes de stationnement, ben, on peut charger un peu plus cher. Si, au contraire, il n'y a aucun stationnement qui est occupé présentement dans les stationnements couverts par les horodateurs, ben, peut-être qu'on peut charger un peu moins cher. Donc, il y a une notion de courbe intelligente de la tarification du stationnement qui peut émerger aussi tranquillement. Et évidemment, aussi dans la logique où on en vient, et ça, c'est des initiatives qui sont mises en place aussi au niveau d'utilisation des routes, de l'accès au centre-ville, de péage et le reste, que lorsqu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller à un endroit, on charge plus cher pour essayer de décourager des gens de vouloir y aller pour diminuer le trafic, pour ramener ça à un niveau un peu plus agréable, si on peut dire. Ben, il y a possibilité aussi de le faire avec le stationnement, d'une certaine façon. Donc, il y a ces éléments-là, évidemment. Bon, après ça, je pourrais te mentionner Moscou. Je pense qu'ils ont déployé 11 000 capteurs de ce côté-là. Des capteurs connectés Wi-Fi, connectés 3G, etc., etc., avec des batteries. Donc, ça devient quand même assez intéressant. Donc, l'idée, c'est qu'on met des capteurs, on analyse, on fait des applications et on a l'information. Donc, une option. Ce qui a été essayé du côté de San Francisco, par exemple, est-ce qu'on a des résultats probants? Est-ce qu'on a déjà un peu des réponses? C'est des solutions assez récentes. Donc, dans le fond, on est sur quelques années d'utilisation, pas nécessairement suffisamment pour voir sur des grandes tendances. Mais de manière générale, comme un peu pour les initiatives aussi dont je parlais de tarification, péage et le reste, mais on voit quand même qu'il y a une plus grande fluidité, si on peut dire, qui ressort de l'implantation de mesures comme ça. Est-ce que, bon, la fluidité acquise versus les coûts investis, ça contrebalance sur le court terme? Pas nécessairement, mais ça serait intéressant de voir si sur le long terme, justement, là, il y aura véritablement une variation. Évidemment, on parle de raw data, mais il peut y avoir d'autres systèmes aussi, remarque, là. Il y a notamment Cisco qui, eux, on travaille à une solution en base de caméra qui détecterait, elle, l'arrivée ou le départ de véhicules. Et ça, c'est l'avantage, c'est quel que soit l'endroit où ils se stationnent. Parce que, évidemment, dans une ville comme Québec, et c'est le cas dans d'autres villes, donc oui, il y a des secteurs où il y a des parcomètres, mais il n'y en a pas partout. Donc, si on n'a pas de parcomètres, comment on peut savoir s'il y a des places de stationnement? Alors, donc, avec des caméras, ça devient intéressant de cette manière-là. Ça devient un peu plus adapté, quel que soit le type de zone à ce niveau-là. Et du côté de l'Italie, il y a une start-up qui s'appelle Park Smart, qui a entrepris de tirer parti des réseaux déjà existants de vidéosurveillance pour repérer les emplacement libre. Donc, on se dit, ben, il y a déjà un système de caméra, un peu comme à Londres, en fait, d'une certaine façon. Je veux dire, tout est filmé à Londres. Ben, on pourrait facilement, donc, en intégrant un algorithme d'analyse où on essaie de voir, ben, justement, quelles places sont disponibles. Puis, on est en mesure d'avoir l'information. Donc, du côté de l'Italie, ben, c'est pas encore mis en place, mais ça s'en vient, là. Ça a été sélectionné dans un grand concours. Alors, il y a cette option-là. Donc, on se dit, il y a les caméras. Mais maintenant, si on n'a pas de caméra, est-ce qu'on peut utiliser les radars? Pourquoi pas? Alors, des systèmes, c'est Siemens, dans ce côté-là, qui travaille à la mise au point d'un système de radar qui sont installés dans les réverbères, donc dans les lumières, essentiellement. Donc, on éclaire les rues, on analyse qui l'occupe aussi, et donc, ces radars-là, à la lumière, un peu d'une torche électrique, chaque capteur vient à scanner un espace d'à peu près 15 mètres, donc l'équivalent de 7 voitures. Donc, on couvre vraiment d'un côté et de l'autre du réverbère, et ensuite, ben, on sait, OK, il nous reste X places de libre dans ce secteur-là, et évidemment, ben, il y a un avantage aussi pour les services de l'ordre, dans la mesure où le système peut détecter et signaler des véhicules stationnés en double file ou encore d'éventuels obstacles sur les voies cyclables. La question des caméras, par contre, me pose une question sur, justement, c'est une caméra, elle filme, donc il y a toujours la question de la vie privée. C'est quand même une notion qui doit faire partie de l'algorithme. La question se pose. Ça, c'est, en fait, dès qu'on parle de sujets comme ça, il y a toujours l'espèce de lumière éclairante, vie privée, point d'interrogation. Évidemment, la question se pose. L'autre contexte, c'est de voir, par exemple, dans des villes comme Londres, où il y a déjà des caméras, dans des secteurs où il y a déjà des caméras, mais la question se pose plus ou moins. À la limite, ça devient peut-être un petit peu plus une approche pour rentabiliser ce qui est déjà filmé, parce que, de toute façon, les systèmes de surveillance existent déjà. Donc, est-ce que, évidemment, ça pourrait amener dans plusieurs villes à avoir une dérive de surveillance, on peut dire, ou institutionnaliser, généraliser la surveillance? La question peut se poser, évidemment. Tout est toujours dans la façon dont on utilise ces informations-là, dans la manière dont on utilise ces données-là, et qu'est-ce qu'on veut en faire. Si on arrive à juste utiliser pour du stationnement, pour du contrôle du trafic et le reste, ben tant mieux. Mais évidemment, ça peut amener aussi d'autres types de problèmes si on l'utilise à des fins peut-être un peu moins appréciables pour la population. Évidemment, dans tout ça, il y a d'autres options aussi. Il y a des approches communautaires, justement. On se distance un peu de l'approche avec des caméras, avec des radars, avec des capteurs et autres. Une approche communautaire, en fait, l'idée, c'est que l'automobiliste doit se trouver à 500 mètres de la place qui se libère. À chaque demande, il y a une requête qui est envoyée aux membres encore stationnés. Je donne l'exemple un peu plus précis pour que ça soit palpable. Donc, je suis stationné et je compte m'en aller. Donc, je peux signaler sur ce réseau-là, que je compte m'en aller. Et là, ça va arriver chez les gens qui ont signalé qui, eux, cherchaient un stationnement. Et là, ça va leur dire « Ah, il y a un stationnement qui va se libérer dans quelques minutes dans telle zone. » Et là, moi, je reçois la requête en disant « Ben, mettons, Michael, avec tel modèle d'automobile, veut arriver dans 2 minutes. » Et là, moi, je réponds « Ben, que oui, je m'engage à attendre 2 minutes avant de quitter pour être sûr que lui puisse récupérer ma place. » Et même, en fait, ça devient... Je suis tombé en farfouillant aussi sur d'autres systèmes de... réseaux sociaux entre automobilistes, si on peut dire. Il y en a un qui est en recherche du côté d'Israël, où l'idée, ça serait d'avoir un réseau où on est répertorié avec nos plaques d'immatriculation. Et si, mettons, je roule derrière toi puis je remarque que tu as un phare éteint, bien, je peux te signaler que tu as un phare éteint en te taguant, en disant « Hey, ton phare » ou en partageant de l'information sur la qualité routière et le reste. Donc, de trouver une manière de lier les automobiles ensemble. Un peu comme les camions le sont avec leur système de CB. Donc, de voir de quelle manière on peut le faire, mais justement sans passer par des CB. Ou sans regarder son téléphone non plus en conduisant. Ça, c'est la sous-question sur laquelle j'allais lancer. L'idée d'écrire en conduisant, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Alors, ça, c'est peut-être un peu la petite crainte que j'ai dans une initiative, entre guillemets, communautaire comme ça. Reste que, au moins, ça fait changement, justement, de l'idée de... simplement être en mode surveillance. Donc là, on est plus en partage d'informations. En Israël, ben justement, l'application dont je te parlais propose aussi d'établir une carte en temps réel des emplacements disponibles pour chaque rue, dans la mesure où moi, j'ai l'application. Donc, je vais me taguer quand je me stationne. Et ça informe, mais dans le fond, si à un moment donné, on se rend compte qu'il y a 7 stationnements puis il y a 7 autos qui viennent de signaler qu'ils sont stationnés là, mais on peut imaginer qu'il n'y a plus de stationnement disponible. Donc, ça devient un peu sur une initiative personnelle où on dit, ben OK, voici où je me suis installé, etc., etc., et que ça colorie, dans le fond, par la suite, les rues en rouge, orange ou vert selon la probabilité d'y trouver un stationnement à un moment donné. Avec ça, il y a aussi des initiatives comme l'idée de prédictif, où on peut essayer de trouver des tendances pour trouver les rues où c'est le plus susceptible de trouver des emplacements libres. Donc, on a des données, on les a analysées, on dit, ben OK, le lundi, généralement, sur telle rue, ben il y a une probabilité de 60% de trouver des stationnements, tandis que si tu vas sur Charest, par exemple, si on prend l'exemple de Québec, là, t'en trouveras pas. Donc, il y a des éléments comme ça aussi qui peuvent être envisagés. Donc, il y a quand même beaucoup d'imagination un peu là-dedans là qui peuvent ressortir de tout ça là. Mais même on parle des villes, mais je pense à des endroits comme Place Laurier, comme les galeries de la capitale, qui là aussi on peut tourner en rond avec son auto. Donc là aussi, j'imagine, c'est les endroits privés pourraient être intéressés par ce genre de programme. Oui, parce qu'en fait, c'est l'idée un peu dans la mesure où si on a des heures de fréquentation régulière d'un lieu, tu prends l'exemple de Place Laurier, ben si moi j'y vais régulièrement le dimanche après-midi, ben je finis par le savoir que le dimanche après-midi, en dessous de l'entrée 3, ben généralement il y a de la place. L'autre personne ne le sait pas nécessairement. Donc l'idée de l'analyse prédictive, c'est aussi d'une certaine façon de faire profiter à tout le monde d'une espèce d'expertise entre guillemets de fréquentation qui normalement n'est accessible qu'aux habitués. Et donc, encore là, pour réduire le temps d'attente, réduire les délais, et y aller peut-être, justement, tu sais, dans les initiatives communautaires, d'y aller peut-être de manière un peu plus volontaire, donc de moins être imposé par une notion de surveillance. Dans le prédictif, on est un peu entre les deux, parce que l'idée, c'est d'aller chercher l'expérience terrain, mais aussi justement de l'expérience analytique pour essayer de prédire des éléments. Donc, il y a quand même pas mal de solutions. Et ça sera intéressant de voir de quelle manière ça va évoluer aussi, puis de quelle manière ces approches-là vont influencer la fréquentation automobile dans le centre-ville. Parce qu'aussi, l'autre sous-question que tu peux te demander, c'est que si je me dis justement, je vais aller dans le Vieux ce soir pour le concert de Metallica en auto, ben si je regarde sur mon application, je me rends compte que tout est rouge. Peut-être que je vais y penser par deux fois, puis que je vais plutôt préférer prendre l'autobus aussi. Ah, ça serait un bel incitatif, ça. Peut-être. Raymond Poirier, merci. Ça fait plaisir.